Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire quand l'impérialisme passe aussi par le sport. Douglas, Foley switching the point of attack, that's interesting, Bill back to Foley, it's more than interesting, it is a beauty, and for England now, this is a sporting crisis. Le 3 octobre 2015, l'Australie élimine l'Angleterre à la Coupe du monde de rugby qui se tient au Royaume-Uni cette année-là. C'est la consternation. Le pays est en crise sportive, dit le commentateur, au moment où l'Australien Bernard Foley scelle l'issue du match. Quel gifle, en effet, pour les Britanniques. Les Anglais, qui ont inventé le rugby et qui l'ont ensuite introduit dans leur colonie, sont battus chez eux par l'Australie, l'une de leurs anciennes colonies, justement. L'élève vient de dépasser le maître. Shocking. Un docteur qui s'en vient à Sainte-Marie pour un mois. On a un mois pour convaincre le docteur de signer un contrat à long terme. Que la meilleure place au monde pour vivre, c'est Sainte-Marie la moderne. Si le docteur signe, on a l'usine. On va faire un grand ménage. Il faut qu'aussitôt qu'il arrive dans le village, il y ait un coup de foudre. Je peux vous aider? Le cricket! Réal m'a dit que c'est un fanatique du cricket. Cricket? Cricket? Non, moi, déjà le sushi, je trouve ça limite. Non, cricket, le sport. Oh. Ils font courser. Mais non, le sport avec une balle et une espèce de bâton petit, là. Ça va être ton haut. Ça va être tout blanc. Regarde, ça va être beau. On va mettre quelque chose pour la protéger. Croyez-moi, il y a un docteur quelque part qui veut venir habiter ici. Je le sens. Extrait de la bande-annonce du film La Grande Séduction, réalisé par Jean-François Pouliot en 2003. Vous avez peut-être reconnu d'ailleurs cet extrait. Si l'idée d'organiser des matchs de cricket sur la basse côte nord québécoise peut faire sourire, et on riait effectivement en regardant La Grande Séduction, imaginez un peu la mine qu'avaient les Indiens quand ils ont vu les Britanniques disputer pour la première fois un match de cricket à Bombay au milieu du 19e siècle. Pour nous parler de cette histoire de l'impérialisme britannique, de la place que va occuper le sport dans cette aventure coloniale britannique. Mon invité, Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, auteur du livre « Sport et loisirs, une histoire des origines à nos jours ». Laurent Turcot, bonjour. Bonjour. Quelle place va, parce que vraiment le sport va être un véhicule important dans cette entreprise coloniale britannique, quelle place va occuper le sport dans tout ça, Laurent? Bien, c'est une place déterminante, d'autant plus que le 19e siècle, c'est un siècle de profonde transformation. Transformation des États-nations qui s'arment, qui ont besoin d'une armées qui veulent justement enrégimenter les corps dans une discipline et le sport va être un des moyens. Mais ça se développe d'une manière très particulière, le sport, parce qu'aujourd'hui, on pense que ça a toujours été. Il est vrai qu'il y a toujours eu des mises en forme compétitives de sport, mais le terme comme tel, avec les règles, avec aussi les chronomètres, avec des arbitres, tout ça va naître au 19e siècle et plus spécifiquement dans l'espace britannique, dans ce qu'on appelle les public schools. Qu'est-ce que c'est qu'une public school? Ben, ça a tout sauf la notion de public. Mm-hmm. Ce sont en fait des écoles privées. Et si vous voulez une image, représentez-vous un peu ce que vous avez de Harry Potter dans la tête. La fameuse école là, où les élèves arrivent, on les sépare dans différents clans. Ben, c'est ça, les public schools. C'est l'élite de la nation qui va être formée. Mais c'est des jeunes qui sont âgés entre 13 et 18 ans. Et comme vous le savez, les jeunes entre 13 et 18 ans, ils ont souvent une espèce de pulsion virile à exprimer. Et un de ceux qui va se rendre compte que les jeunes doivent être cadrés, c'est Thomas Arnold, du collège rugby. On a parlé en ouverture du rugby qui a été inventé au 19e siècle. Ben, c'est au collège de rugby que ça va être inventé. On va créer le sport. Mais très vite, on va se rendre compte que les gens qu'on forme, ben, faut les envoyer un petit peu partout parce que le 19e siècle, c'est aussi le siècle où l'Empire britannique, le rouge britannique, arrive partout dans le monde. Et en fait, les Britanniques, ils vont inventer à peu près tous les sports modernes parce que vous nous le disiez, ils sont fous de règles, ils sont très forts et c'est eux qui vont à peu près tout inventer ou réinventer. inventé en matière de sport. Et comme c'est le grand siècle où l'Empire s'étend, ben les gens qui vont, les Britanniques, professeurs, militaires, qui vont se retrouver aux quatre coins du monde, vont vouloir aussi pratiquer, continuer tout simplement de pratiquer leur sport. C'est donc un peu logique que le sport fasse partie de cette entreprise colonialiste. Je vous propose d'écouter un extrait tout de suite de Bruce Wake, qui parle au journaliste Claude Pichet de certains de ces sports très, très britanniques, qui vont se qu'on associe en tout cas à la Grande-Bretagne et qui vont se retrouver aux quatre coins du monde, entrevue accordée dans le cadre de l'Exposition universelle de Montréal en 1967. Monsieur Wake, quel est le sport le plus fréquenté, le plus pratiqué en Angleterre? Je dirais le football, de toute façon, parce que c'est le sport des masses, des gens populaires, des gens de roue. On joue ça presque toute l'année. On joue ça dans les parcs, dans les roues. Les enfants qui jouent dès qu'ils ont 5 ans à peu près. C'est ce qu'on appelle aussi le soccer, je crois, oui, ici. C'est le soccer, oui. C'est pas le football, comme on dit au Canada. On croirait de l'étranger que le cricket est le sport le plus populaire. Cricket, oui, c'est très populaire. C'est très populaire à regarder, mais pour jouer, il faut faire attention. C'est très difficile à jouer. Est-ce que les Anglais, M. Wake, pratiquent tous les sports avec autant de sérieux qu'ils pratiquent le cricket? Je dirais ça, oui, je dirais ça. Est-ce que l'éducation physique, d'ailleurs, n'est pas une partie importante des institutions d'enseignement en Angleterre? C'est très important. On fait, je ne sais pas, dans les écoles secondaires, quoi, on fait deux après-midi par semaine le sport. Vous savez, aux yeux d'un étranger, les sports en Angleterre, ce sont des sports un peu étranges qu'on voit rarement ici, comme par exemple ce qu'on appelle le lawn bowling ou les quilles de pelouse, ou encore le polo hippique ou des choses comme ça. Est-ce que vraiment ces manifestations sportives sont fréquentées par les Anglais? Le bowling d'abord, c'est tout à fait comme le pétanque en France, si vous connaissez ça. Oui. Bowling, c'est surtout les vieux qui jouent de bowling sur une pelouse, sur un gazon. C'est pas populaire du tout, vous savez. Surtout les petits clubs, vous savez, dans les villes, pas populaire. Polo, c'est... Enfin, il faut avoir de l'argent pour jouer de polo, parce que beaucoup de l'argent, je dirais même qu'il y a à peu près 200 gens dans tout le pays qui jouent de polo. Mm-hmm. De toute façon, c'est pas beaucoup. C'est très privé, très snob. En écoutant cet extrait, Laurent Turcot, on comprend d'abord, vous en parliez déjà des public schools, mais on comprend l'importance qu'a le sport pour les Britanniques. Ça fait partie de leur culture. On en parlait dans l'extrait. Et on y reviendra à ce sérieux qu'accordent les Britanniques au sport. Mais l'autre élément assez fascinant, ça date de 1967, cette entrevue, mais quand même, c'est plutôt l'ère moderne. Et ce qu'on réalise, c'est qu'au fond, le polo, le cricket par exemple, c'est des sports qui sont très étroitement associés, qu'on continue d'associer aux Anglais. Et en écoutant l'extrait, on a l'impression qu'au fond, ces sports-là, le cricket est peut-être un très, très bon exemple, ces sports typiquement britanniques à nos yeux sont beaucoup plus suivis et pratiqués dans les anciennes colonies. L'Inde, par exemple, pour le cricket. Fascinant, ça. Oui, l'Inde, le Pakistan, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Plus que le Royaume-Uni. Oui, avec raison, parce que vous avez dit tout à l'heure, avec raison, que les anciens étudiants des public schools, quand ils sont envoyés dans les colonies, ils veulent reconstituer la vie de la mère patrie à l'étranger. Donc, quand on arrive à Bombay, à Calcutta, ou même en Australie, on se dit, bon, ben là, moi, j'étais habitué de jouer au cricket, mm-hmm. mais j'étais habitué de jouer avec des grands aristocrates. Et entendons-nous que jouer au cricket, certes, mais aussi selon les formes. Et les meilleurs joueurs de cricket vont toujours se faire un devoir de ne jamais salir leurs vêtements. Donc, à qui on va s'adresser quand on arrive en Inde, si on prend l'exemple du cricket? Ben, ce sont les grands princes. Les princes, c'est qu'on va leur dire, vous êtes de caste supérieure, parce que n'oublions pas qu'en Inde, il y a un système de caste. Selon que l'on soit petit ou grand, on va mourir bien ou mal. Et ces grands princes, on leur dit, ben, écoutez, chez nous, les gens qui font le cricket, c'est l'aristocratie, mm-hmm. c'est l'élite. Donc, en s'attachant à la chose, ben, vous pouvez, vous aussi, vous rapprocher de cette distinction. Mais les princes ont quand même une... Et, pas juste les Sikhs, mais aussi les Indiens en général, ont cette idée selon laquelle on ne doit pas toucher le cuir. Quand on touche le cuir, c'est dégradant. Donc, ce qu'on va dire, ben écoutez, c'est parfait parce qu'au cricket, vous ne touchez rarement la balle. Vous touchez rarement la balle. Vous avez un bâton pour la frapper mm-hmm. et vous pouvez mettre des gants. Et si par malheur, la balle vous touche le visage, ben vous pouvez aller vous rincer dans une rivière pour vous purifier. Ouais. Donc, on adapte en quelque sorte la culture britannique à la culture locale. Mm-hmm. Ce n'est pas un système, les sports britanniques, mécanique d'imposition. On n'arrive pas avec cette idée, on va vous faire comprendre ce que c'est que le sport. Si on avait une théorie pour résumer la chose, c'est ce qu'on appelle en histoire diplomatique le soft power. Ouais. C'est-à-dire qu'on impose de manière douce, une puissance douce par des activités culturelles non coercitives. Et ça se fait graduellement. La première étape, c'est encore une fois ces expatriés, militaires, professeurs qui se retrouvent au Pakistan, en Inde, je ne sais où, l'empire est très très grand, et qui disent « Moi, je veux continuer de pratiquer le sport que je pratiquais chez nous, donc je le pratique tout simplement. » Première étape. Deuxième étape, ça c'est intéressant, vous le dites, mais c'est la contamination par l'élite. Le cricket, vous en avez parlé, mais d'autres sports, l'idée c'est que l'élite se sent intéressée à adopter le sport du pouvoir colonial. Peut-être, Laurent, d'abord et avant tout simplement pour se rapprocher de ce pouvoir colonial, de cette élite présente en Inde ou ailleurs. Oui, tout à fait. Sans parler d'un syndrome de Stockholm, du colonisé vers le colonisateur, il y a, somme toute, une volonté de loyauté. Et le sport permet, non pas d'asservir, mais de rapprocher les élites séparées par un continent, par un océan. Et ça permet... On se côtoie. Oui, tout à fait. Et autant on a la forme de distinction, autant on peut avoir des cadres aussi qui vont démocratiser le sport. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, comment ça se fait que le cricket, le rugby est presque plus populaire à l'extérieur que dans la mère patrie? Eh bien, c'est parce qu'il n'était pas rare, comme par exemple en Afrique du Sud, que pendant les guerres, la guerre des Boers ou des Boers, selon la formulation, ben, on fasse des prisonniers, les Afrikaners. Et à un moment donné, on veut faire des matchs de rugby. Mais il nous manque de joueurs. Donc, on va prendre des prisonniers, on leur explique les règles et ils vont peu à peu comme ça disséminer le sport. Mais soyons très clairs, c'est qu'il n'y a jamais une volonté assumée de l'Empire, des dirigeants de l'Empire, de dire « on va se servir du sport pour les maîtriser, pour les acculturer en quelque sorte ». Pas du tout. C'est toujours un processus d'aller-retour que l'on va avoir entre la mère patrie et les colonies. Ce qui fait qu'en Afrique du Sud, ben, le rugby qui va se développer, c'est un rugby qui est des classes populaires, des classes ouvrières. Un rugby où, justement, on se fait payer pour jouer. Chose qui, en Angleterre, pour les aristocrates, est véritablement contre nature. Puisqu'on est sur l'Afrique du Sud, un phénomène intéressant, en revanche, le rugby, deux sports anglais. Le rugby qui va toujours être surtout, mais vraiment presque exclusivement pratiqué par les Blancs, d'Afrique du Sud, alors que le soccer, qui est aussi le soccer moderne inventé au Royaume-Uni, qui, lui, va être l'affaire de la population noire. Pourquoi? Bien, pour différentes raisons. On parlait tout à l'heure des formes de distinction. Les Blancs vont s'accrocher au rugby, parce que le rugby, d'où vient-il? On l'a dit tout à l'heure, des public schools, d'une public school qui est rugby. Donc, on va reprendre le système de la généralisation. Mais au même moment, en Angleterre, qu'est-ce qui se développe? Bien, le football. Et la première ligue de football. Quand j'ai le football, selon moi, c'est le vrai seul football. Pas ce que les Américains ont inventé, mais ce qu'on appelle le soccer ici. Et donc, on va inventer le football en Angleterre, mais ici, ça va être un football ouvrier, où justement les premiers clubs, que ce soit Manchester, Liverpool, où on est payé pour jouer et il y a une plus grande capacité de démocratiser la chose. Donc, les classes populaires vont s'approprier le football alors que le rugby va rester quand même pour les Blancs. En Angleterre, comme en Afrique du Sud, exactement. Il y a ce même genre de division sociale entre rugby et football. Ça, c'est intéressant. On n'en fait pas un outil d'instrumentalisation comme tel du sport. Il reste que le pouvoir colonial se reproduit au fond, se rend compte que c'est quand même utile pour rapprocher les Anglais qui sont dans les colonies et les populations d'accueil. Et on se rend compte aussi qu'il y a là un outil intéressant pour transmettre des valeurs, une manière de vivre à la Britannique sans que l'entreprise soit systématisée. C'est ça le résultat. Puis on revient aux écoles. On reproduit aussi le modèle anglais. Le sport est important à l'école britannique et ce sera la même chose dans certaines colonies. Il y a des exemples absolument extraordinaires où on reproduit pratiquement, c'est presque un copier-coller de certaines écoles anglaises qui se retrouvent ailleurs dans l'Empire. Ah, carrément. On peut prendre l'exemple des îles Barbades, comme on va avoir le Harrison College, The Lodge ou encore Cumbermere, qui sont des copies conformes des public schools. En gros, ce qu'on se dit, c'est que dans la Barbade, on se rend compte qu'il y a un modèle extrêmement fort qui donne une élite instruite, mais surtout qui est habituée. Parce que à quoi sert le sport? Au contrôle des pulsions violentes. à un moment donné, les officiers sont toujours confrontés, que ce soit dans la guerre ou dans la diplomatie, à la réaction que l'on doit avoir par rapport à nos pulsions. Et le sport permet de le contrôler. Encore, c'est ce qu'on dit à nos jeunes. Quand tu as trop d'énergie, va faire du sport, ça va t'apprendre à le contrôler. Eh bien, à la Barbade, on se dit, on va reproduire ce système-là. Mais attention, quand je vous parlais d'un phénomène d'aller-retour, certaines des élites locales, pour aller encore plus loin, et là, on est dans un rapport colonial extrêmement puissant, vont envoyer leurs enfants à l'internat des public schools pour les former, mais même pour en faire des petits Britanniques. Ce qui fait que quand ils reviennent en colonie, ben là, ce sont des copies conformes. Et on parlait de loyauté tout à l'heure. C'est une forme d'asservissement, là, carrément, de la loyauté des puissants officiers qui reviennent. Il y a une figure qui va être très, très importante dans la place que l'école va jouer dans la diffusion du sport et des valeurs, hein, le courage, le travail, des valeurs qui sont associées au sport dans ces écoles de type britannique dans les colonies. Cette figure-là, c'est celle de Cecil Tyndale Biscoe. Parlez-nous un peu de lui. Pourquoi, qui est-il et pourquoi est-il important? Il est très important parce que c'est un aristocrate. Il naît au début du 19e siècle et il va faire son cours dans une public school. Il va ensuite aller à Cambridge et il va participer à certaines des premières courses, ce qu'on appelle le Oxbridge, la fameuse course de bateau qui, à chaque année, oppose Oxford et Cambridge, et il va remporter la victoire. Il va ensuite être ordonné pasteur, on va l'envoyer au Cachemire et on va lui donner comme mission extrêmement légère de pacifier les tensions au Cachemire. Vous le savez encore aujourd'hui, ça reste une région extrêmement problématique. Et lui va se dire, il travaille pour le Church Mission Society, il va se dire, il y a cette idée dans l'Angleterre victorienne qu'on appelle la chrétienté musculaire, la Christian Muscular. Et lui, il va se dire, on va se servir du sport pour justement apaiser les tensions sociales, une forme de pacification. Et comment va-t-il le faire? En créant des écoles. Il va créer 6 écoles où on va faire de la boxe, on va faire de l'aviron, on va faire du football, on va faire du cricket. 1800 élèves qui vont passer par son école. C'est énorme. Et on a vraiment le sport comme vecteur, on pourrait dire, d'imbrication à l'Empire, mais c'est plus que ça. Ce sont des valeurs qui transcendent l'Empire. Et ce sont des valeurs qu'on appelle aujourd'hui du « fair » play, c'est-à-dire respect de l'arbitre, respect des règles, respect du terrain, respect de la défaite aussi. Souvenez-vous, on a entendu en ouverture un match de rugby. Le rugby est un des rares sports où le gagnant se met en file pour accueillir le perdant et l'applaudir. Au hockey, le seul moment où les joueurs se serrent la main, c'est, vous le savez, pendant les séries éliminatoires, quand il y a une équipe qui a perdu. Au rugby, c'est toujours un rituel de « nous avons gagné, mais nous respectons ce que vous avez fait ». Même si on vous a planté 92-2, on respecte ce que vous êtes. Tout ça est bien britannique, évidemment. Donc, c'est là où le sport et la culture, les habitudes de la puissance coloniale peuvent se répandre par le sport dans les colonies. « It now gives me great pleasure to declare open the 8th World Football Championship. » Encore quelques secondes, à mon avis, il n'en reste que 15. Une passe en retrait sur Moore. Moore garde toujours la balle. L'arbitre va-t-il siffler? Non, pas encore. La balle est sur Moore. Moore a distribué en avant pour Hurst. Et Hurst peut monter à l'attaque tout seul. Alors que déjà des gosses envahissent le terrain, mais se font vite chasser. Hurst passe, tire et marque. Passe à Hurst et Hurst marque le 4e. Les doutes sont levés. Les Anglais, fatigués, heureux, se roulent par terre, ne peuvent plus se relever, ils ont des crampes. Hurst va marquer le 4e but. Hurst a réussi le hat-trick dans cette finale de Coupe du Monde. Il marque le 4e. L'Angleterre gagne la Coupe du Monde de football par 4-2. Extrait de l'émission « Le troisième quart de siècle » diffusé en 1976. C'est la reine Élisabeth que vous entendiez à l'ouverture de la Coupe du Monde qui a lieu en 1966 au Royaume-Uni. Et puis extrait donc de cette fameuse victoire en 66 toujours de l'Angleterre face à l'Allemagne lors de cette Coupe du Monde de foot au Royaume-Uni. Le football, le soccer, Laurent Turcot, c'est vraiment le sport, de tous les sports que les Britanniques vont diffuser à gauche et à droite, c'est le sport qui sera le plus largement diffusé justement par les Britanniques dans leurs colonies, mais même ailleurs. Même ailleurs, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, les grands pays qui dominent le football, c'est le Brésil, l'Argentine. Bon, si certains ne dominent pas, au moins ils ont parmi les meilleurs joueurs, comme Messi par exemple, on a aussi Ronaldo, Pelé. Eh bien, comment ça se fait? Eh bien, au 19e siècle, oui, certes, il y a l'Empire britannique qui a des colonies, mais plus encore, on a un savoir savoir technique et on veut diffuser partout dans le monde les modes de construction. Donc, on va envoyer des ingénieurs britanniques en Argentine, en Uruguay, les deux premiers pays qui vont recevoir des Britanniques. Et comme par hasard, le pays qui va remporter la première Coupe du monde de soccer, c'est l'Uruguay. Parce que justement, on va apporter la culture du football. Les ingénieurs, comme les officiers britanniques au 19e siècle, vont vouloir adapter leur football. Mais attention, là où les Anglais jouaient souvent ce qu'on appelle du kick and rush, c'est-à-dire on balance le ballon le plus loin possible et on court pour aller marquer un but, les Uruguayens vont développer un nouveau style qui va véritablement dessiller les yeux des Européens au début du 20e siècle. C'est ce qu'on va appeler un peu le football samba au 19e siècle, au 20e siècle, excusez-moi, où on s'échange la balle, où on fait des passements de jambes hallucinants. Et là, véritablement, les Européens sont laissés pour compte. Et quand je vous disais qu'il y a un échange sans arrêt entre le pays réceptacle, pourrait-on dire, et le premier, ben, ça va s'échanger. Mais attention, l'Angleterre, s'il a réussi à diffuser le football, c'est malgré elle. Parce qu'à la création de la FIFA, souvenons-nous, la FIFA a été créée par un Français. Mm-hmm. Et ça va prendre une quinzaine d'années pour que les Britanniques entrent dans la FIFA parce qu'ils se disent on ne peut pas avoir une entreprise qui n'est pas dirigée par un Britannique parce que c'est nous qui avons inventé le sport. Donc vous, pauvres Européens, parce qu'on s'entend que l'isolationnisme britannique n'est pas neuf non plus, ben, vous ne comprenez pas ce que c'est que notre sport. Terminons quand même, puis allons un peu plus loin sur cette idée d'échange, parce que c'est intéressant. Les Britanniques vont amener dans l'économie ou ailleurs certaines de leurs pratiques sportives, mais ils seront aussi nourris inversement. L'exemple de l'Amérique du Nord est un bel exemple. Il y a pas vraiment de rugby ici, mais il y a le football américain. Il y a des sports, en fait, qui vont se transformer chez nous, en Amérique du Nord. On créera des sports. Il y a vraiment un échange là, de ce côté-là. Ah oui, il y a un échange complet. Vous parliez du football américain. C'est l'exemple parfait avec le YMCA. Le YMCA qui va avoir des collèges un petit peu partout, dont le fameux collège Springfield au Massachusetts, où on va inventer plein de sports comme le volleyball ou encore le basketball par Jim Nesmith, qui est un Canadien. Et l'exemple le plus simple, bien sûr, c'est le football américain. Et là, c'est l'œuvre de Walter Camp, qui est à Yale, qui adapte en quelque sorte le rugby. Bon, plusieurs des Américains disent « Non, il n'y a aucun lien. Le football américain et le rugby, c'est séparé. » Ben là, on le sait, oui. C'est comme de dire que le baseball et le cricket sont pas... c'est pas la même chose. Ben, on le sait aujourd'hui, c'est clair. Il y a des liens entre les deux. La seule différence, c'est que les Américains ont toujours voulu créer quelque chose qui était neuf, qui était purement américain. Le Canada, Laurent Turcot, quelle est notre part de ce gâteau colonialiste britannique en lien avec les sports? Ben, la part du gâteau, c'est celle qui fait qu'on regarde les journaux à chaque matin, c'est le hockey. Le hockey vient justement des Britanniques. Bon, le terme existait dès la fin du 18e siècle. On a aussi le bandy qui se jouait sur glace. Mais croisé à l'influence de la crosse, on va créer peu à peu ce qu'on appelle aujourd'hui le hockey à la fin du 19e siècle à l'Université McGill, comme on le sait. Mm-hmm. Et c'est véritablement les officiers britanniques qui sont envoyés de la mère patrie vers ici, formés dans les public schools, qui veulent faire leur sport. Donc, nous sommes au Canada, comme dans toutes les colonies, le produit indirect des public schools qui ont créé les sports et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une mondialisation complète du sport britannique. Laurent Turcot, merci beaucoup. Merci. Laurent Turcot, historien à l'Université du Québec à Trois-Rivières, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et des divertissements. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur les sites Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.